Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Radio Campus et bien sûr dans la machine à son. Et ouais, le professeur est là à côté, rayonnant. Ça fait du bien de le voir quand même de temps en temps un peu rayonnant. Et oui, parce que des fois il est lugubre dans ses pensées et tout. Mais là, depuis un certain temps, je sais pas, il est allé voir un mec qui lui a fait des trucs chelous. En attendant, ça lui a fait du bien. Il est beaucoup plus serein, donc c'est quand même assez agréable du coup le mercredi de le retrouver. Et voilà, que ce soit quand même pour un moment convivial, même si bon, on se débrouille toujours pour que chez vous ce soit la fête et la nouba. Mais ici, c'est pas toujours simple. Et oui, c'est pas toujours simple. Mais là, bon, il en voit d'amélioration, dirais-je. Donc c'est parfait, c'est très bien. Et là, ce soir, bah voilà, super forme. Il m'a dit, ce soir, nous allons faire un objet musical non identifié. Ah bah voilà. Avec ça, je suis, comment on dit, je suis bien encapé. Je ne sais pas où ça va. Mais bon, en tout cas, si c'est non identifié, du coup, on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut. Je pense avoir compris. Mais il m'a dit, non, c'est beaucoup plus philosophique que ça. Ce soir, nous allons être dans l'omni. Ah oui, dans l'omni. Alors, quoi donc que l'omni? Qu'est-ce donc, plutôt? Bon, l'omni, c'est tout, en fait. C'est simple, c'est tout. Voilà. Le professeur est quand même très modeste. Il pense que ce soir, nous allons réussir à tout faire en une fois, en une seule chose. Après tout, pourquoi pas? Challenge intéressant. Et donc, je pense que nous allons le relever. De toute façon, lui, il est dans les starting blocks. Il a mis son short de course. Ouais, parce qu'en fait, quand il est en forme, il vient habillé en sport. Donc, petit short, Adidas Gazelle, pour ne pas faire de publicité pour ses bonnes chaussures, et qui n'existe plus. Donc, c'est pour ça que je peux en parler. Ça y est, je me suis perdu. Ben oui, mais c'est de le voir à tiffer comme ça, là, ça me fait quand même super bizarre. Donc, bref, avec son petit short, son petit polo, là, machin, etc. Et puis, il court tout autour du studio. Enfin, il fait plein de délires. Bon, il fait du sport, et il m'a dit que ça... En fait, voilà, comme moi, je fais plutôt du cérébral. Vous avez l'habitude, si vous écoutez la machine à son. Bon voilà, lui il fait le côté physique. Moi je suis la tête et lui les jambes. C'est étonnant parce que d'habitude c'est pas son discours. Mais je vous dis, là il a vu quelqu'un de très étrange qui lui a fait admettre des choses, ma foi, pas forcément folles. Tu veux un camembert? Un camembert? Tu veux un camembert? Un camembert? Un camembert? Tu veux un camembert? Un camembert? Tu veux un camembert? Et allez, c'est parti pour une heure de délire. Omni, objet musical non identifié. Thank you. corazoncito dice la gente muy fuerte. Las mujeres, sé que pronto vas a odiar a los hombres, dice la gente, wifi, ay, ay. Vas a odiar a los hombres y a ti mismo, wifi, ay, ay. bekar olan, anasına darılmış, damda yatar olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış, damda yatar olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan. Vous aviez peur, hein? Vous êtes dit, ça y est, il est parti dans des trucs, on va planer pendant des heures, non, non, non, non. And I don't like you. don't like you. I hate what you do, and I don't like you. Routine thing, so do I. It's like biting bricks in a dead eye. Struggle of work, day is dressed and naivete, and deep frowns and long days. I go crazed, no life gives, no life makes. Cocooning, mobility's gonna move me. I pick up the phone, I'm already there, but I didn't even fucking feel the journey. The private bubble, no you and me, just that electricide, electricity. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. On nous arrive souvent, hop là, allez, je reprends. Je m'étais entraîné, dès que je m'entraîne, c'est la misère. Donc, ce que disait ce jeune homme, fort habilement, I hate what you do and I don't like you. Je n'aime pas ce que vous faites et je vous déteste. On nous l'a souvent dit avec le professeur, mais heureusement, Radio Campus Montpellier est apparu et la machine à son est née. Début d'émission, nous parlions camembert. Et bien justement, puisque c'est l'heure d'une petite collation, allons-y gaiement. Passe-moi le camembert. Merci, ça va, j'ai du pain. Donne-moi un coup de rougeant. Ah, comme ça, j'avance. Allez-y, les enfants. encore un coup de rouge. Vas-y, remplis-le. Vas-y, encore. Encore. Un bon camembert, c'est un vrai camembert, hein. Oh là là. Le camembert, c'est la santé. Attention, Marc, j'ai pas tu là. Le dernier avant le dernier. Fameux, hein? Oh, ce camembert. Le temps. Avez-vous le temps d'écouter la machine à son? Ben, bien sûr, vous n'avez rien d'autre de plus intelligent à faire. Alors continuez. l'innocence, le goût de la liliale. Les bouchers m'ont fait le goût du bœuf. Et je passe sur toutes les fausses mésanges qui m'ont fait le goût de la mesure. Je ne veux être que sous le ciel nu, ce cri qui fait son chemin, ce paquet de sang qui dit non, la santé radieuse qui secoue la ruche endormie dans son miel, l'homme rouche au large des totems, dans la marge ouverte, sur la terre des brasiers, dans la chair ensoleillée. Et surgit démesurément. Machine à son, objet musical non identifié, OVNI. Let's do it. strive for my money. So on the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, was jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. So be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she gon' rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I key in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect. Hanging out is always hype. And with me and the crew leaving shindig, I'm with a girl who's just my type. Saw this luscious little frame, I ain't lying, fella, she was fine. The sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, and still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, she was like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. Wild thing. She wanna do the wild thing. Please, baby, baby, please. Show at the local discotheque. This fire chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now, and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, walk, you ready? Just break out of here. Hasta la vista, baby. Wild thing. Oh là, ça arrête net. On était occupé à faire une petite belote avec le professeur. Et oui, de temps en temps, nous, on aime bien prendre notre temps. Allez, ça continue. La otra por la verdad. des choses vocaux. Il appelait à ses Allemands. Relucía las cadenas, relucían las navajas. El disparo de una 22 en el lugar se escuchó. Acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. there are fans to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'll think all lies, gonna leave you alone. Don't believe I love you. You can count on being alone. Not on everything for you. You left me standing here without you. I'm sick of all your nagging. Gonna leave on your own. Don't believe I do it. You can count on being alone, 'cause I don't want your loving anymore. Je sentais qu'il vous fallait un petit peu de révision, un peu de classique. Eh oui, le professeur, c'est un malin quand même. Il le sent quand vous avez oublié un petit peu l'essentiel. Bien joué, professeur. Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done. Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal. Mary Berry's got a medal. So why don't you get a medal? Well done. Bye. J'aimerais bien m'enlever le nez pour me cracher à la gueule. C'est ça qu'il disait le Lascar. Eh ben, ce soir, c'est la soirée de la poésie. Allez, on continue. Cela, il préfère se mettre dans un cercueil en béton. Allez, un petit peu de patience, on arrive au bout. Vous voyez que vous voulez mouiller la chemise. Allez, on se calme. On approche de la fin. Rassurez-vous, vous allez pouvoir aller vous coucher bientôt. Eh oui, ça sent la fin, je vais les laisser tout doucement derrière. Bunalim Tasvar Kopekyok. Je parle pas turc, mais bon, vous m'avez compris. Avant ces excellents Bunalim, vous avez eu Shariza avec Oma Glass, avec Concrete Coffin, Idols avec Well Done, Chocolate Wedge Band, Don't Need Your Loving, Tammy and the Sound, Story of a Tramp, fabuleux, Small Faces, What I Gonna Do It, About It, Los Espiritus, Pelea Calejera, comme ils disent, Don't Lock White Thing, Cosé Muller, fabuleux, Doc Salon, Julien Selenas, Soya et Jérôme Vassereau, voilà, excellent aussi. Frédéric Santaya avec son camembert, Los Explosivos, No Es Para Mi, les Stiffort Mods, Routine Din, Das Das 999, Altingin Gun, pardon, Sekar Gland, et Osso El Roto Cueca del Diablo, et au tout début, l'incroyable Didier Bokeh. Allez, c'est fini, la machine à son. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Vous n'avez pas le choix de toute façon.